Bien-aimés, je vous dis bonjour et je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais essayer de répondre à quelques questions ici que des frères et des sœurs me posent au téléphone. Et voilà, nous sommes des adultes, hein. Là je vais essayer d'aller dans des trucs qui se passent dans les quatre murs, d'accord ? On est des adultes. Parce que je me disais, je vais faire une vidéo où je vais essayer de répondre à certaines questions. Je n'irai pas dans toutes les questions, mais j'ai sélectionné quelques questions. Vous savez, bien-aimés, comme vous le savez, le diable est sur terre pour bloquer le maximum de personnes, pour les empêcher d'aller vers notre bien-aimé Seigneur Christ Jésus. Vous le savez. Et si vous lisez bien la Bible, dans le livre de Lévitique, Dieu parle des rapports sexuels, des choses qui sont une abomination à ses yeux. Aller avec sa tante, avec sa sœur, aller au lit avec sa fille, aller au lit avec un animal, avec un oncle, avec sa tante. Tout est marqué dans la Bible. Et vous allez remarquer que le diable, lui, il pousse les hommes à aller dans ce genre de choses. Alors qu'il sait très bien que Dieu déteste ça. Mais lorsqu'on se convertit, lorsqu'on est en Jésus-Christ, la Bible dit, on devient des nouvelles créatures. Des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Nous devons maintenant les rejeter et mener une nouvelle vie en Christ Jésus. Une vie de sanctification, bien sûr. Je pense à cette bien-aimée de Grenoble qui m'a appelé tout dernièrement. Cette femme, black, excusez-moi, vivait en couple avec une blanche. Elle me dit, frère, je viens de recevoir le Seigneur, ça va faire à peine 6 mois. On était en couple. Maintenant que j'ai accepté Jésus, je ne veux plus. Le Seigneur m'a touché, m'a fait comprendre que ce genre de choses, c'est une abomination. C'est sale aux yeux de Dieu. Mais la femme-là ne veut pas entendre ça. Elle continue à courir derrière moi. C'est le harcèlement. Moi, je lui ai dit, donne ta vie à Jésus. Elle ne veut rien savoir. Pour elle, Dieu n'existe pas. Mais moi, j'ai décidé de couper les ponts. Moi, je ne veux plus faire ces choses. Bien-aimé, qu'est-ce que tu me conseilles? Je lui ai dit, ma soeur, tu es adulte. Tu es adulte. Hein? Déjà, il faut éviter de vivre dans la même maison que cette femme. Il faut chercher un endroit pour toi. Parce que si vous dormez toujours dans la même maison, elle va venir te trouver au lit. Même si chacun a sa chambre. Les rapports contre nature. Je lui ai dit, va lire Romains chapitre 1. Dieu en parle dans le livre de Romains au chapitre 1. Il faut couper ça. Si elle ne veut pas suivre Jésus, c'est son affaire. Mais quant à toi, tu as fait ton choix. Dieu t'a délivré comme tu le dis. Persévère. Beaucoup sont comme ça. Beaucoup ont connu des relations homosexuelles, que ce soit des hommes et des femmes. Ils sont maintenant dans le Seigneur. Certaines personnes continuent à faire ces choses-là. Mais il faut que tu saches que toi qui fais ça, le diable va te tenir par là. Et tu vas chercher la délivrance. La délivrance sera difficile parce que tu lui ouvres la porte. Il faut couper. Tu es en Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, il faut couper ça. Ma soeur, c'est pas la peine de me dire qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu me conseilles. Mais je te dis de quitter là et de ne plus faire ça, c'est tout. Il y a certaines soeurs aussi, surtout des soeurs, elles sont mariées. Le problème c'est que le mari c'est un athée, il ne croit pas en Dieu. Le problème, comme une soeur me l'a dit, une femme mariée qui habite là à Paris. Frère, j'ai un problème, prie pour moi. J'aime mon mari. Franchement, je n'ai pas envie de me séparer de lui. Je ne veux pas de divorce. Mais mon couple est en train de prendre de l'eau. je ne veux pas de divorce, frère, prie pour moi. Le problème, c'est que lorsqu'on s'est connu, on s'est marié, on était encore dans le monde. Lui n'est pas croyant, moi j'étais encore dans le monde. On pratiquait le sexe comme la plupart des hommes le font dans le monde, c'est-à-dire devant, derrière, partout. Le problème, c'est que ça fait 5 mois que moi j'ai donné ma vie à Jésus, je ne veux plus faire ces choses-là. Mais lui, il est accro à ça. Lui, c'est le derrière, il ne veut pas de devant. Mais quand je n'étais pas dans le Seigneur, j'acceptais ça, mais aujourd'hui c'est la guerre à la maison. À l'heure où je te parle, on dort chambre séparée. Frère, j'ai été voir mon pasteur. Il m'a dit, arrête ça. Frère, je t'ai appelé pour que tu pries pour moi. J'ai peur du divorce. Je ne veux pas. Je l'aime. Mais j'essaie de l'amener à l'église. Lui ne veut rien. Il veut rien savoir. C'est une Africaine. Le mari, c'est un Français, un Blanc. Le Blanc dit, vos histoires de Dieu, là, je ne crois pas à ça. Dieu n'existe pas. Et la sœur m'a dit, frère, je fais des jeûnes et prières afin que Jésus intervienne. Parce que ça fait même pas longtemps qu'on est mariés. Moi, franchement, je n'ai pas envie de me retrouver encore seul. Mais lui, c'est le sexe derrière. Il ne veut pas de devant. Je lui ai dit, est-ce que c'est par derrière qu'on va faire des enfants? Mais lui, il est bouché. Je crois que cette sœur n'est pas la seule. Combien de chrétiennes dans vos maisons là? Des chrétiennes font ces saletés là. Et ce que cette femme me dit, frère, je suis même un traitement contre des hémorroïdes. Beaucoup de sœurs acceptent des saletés parce que ton copain, c'est un païen, il te demande des conneries et tu acceptes. Mais il faut que tu saches que les conneries que tu fais, ça ouvre la porte aux démons. Et les démons viendront te titiller dans ta vie. Parce que tu ouvres la porte. Beaucoup, beaucoup sont comme ça. Beaucoup font des conneries parce que le païen, lui, n'a pas Dieu. Le païen, Satan habite en lui. Le diable le manipule. Ce qui compte n'est pas en Jésus est un instrument du diable. Le diable lui dit, c'est derrière. C'est mieux derrière. Le diable lui dit, c'est mieux par la bouche. Mais lui, c'est un païen. Mais c'est toi qui es chrétienne. Tu es devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu n'es pas obligé d'accepter. Oui, mais frère, franchement, je l'aime. Je n'ai pas envie de perdre. Je ne peux pas de dire. Mais ma soeur, il est mieux pour toi de perdre un homme que de perdre ton âme. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, que servira à un homme de gagner le monde s'il perdra son âme? Ne va pas en enfer à cause d'un homme. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un aime son mari plus que moi, il ne peut pas me suivre. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pourquoi Jésus l'a dit. Tu ne veux pas le perdre, mais lui veut le sexe par derrière. La balle est dans ton camp. C'est toi qui prends la décision. Tu vas perdre Jésus pour un homme. C'est Jésus qui fait les miracles. Si cet homme veut partir, laisse-le partir. Dieu te trouvera quelqu'un d'autre. Ne va pas en enfer pour un homme. Beaucoup de sœurs vivent ça. Beaucoup de sœurs, elles n'en parlent pas, mais c'est la vérité. Ils ont des maris païens. Le païen, il a des goûts bizarres, il a des goûts impurs, impurs. Le païen a des désirs impurs. Dieu n'est pas en lui. La Bible dit, Satan a aveuglé leur intelligence. C'est Satan qui manipule leur pensée. Le diable lui dit, derrière là c'est mieux. Tu comprends? Derrière c'est mieux. Et lui comme un robot, il dit, moi c'est là-bas. Au point où, ils dorment maintenant chambre séparée. La sœur lui dit, mais c'est pas là-bas qu'on va faire des enfants, quand même. Mais il veut rien savoir. Et il va même jusqu'à dire à la sœur, oh tes histoires de Dieu là, Dieu n'existe pas. voudrais aussi parler de beaucoup de sœurs qui souffrent à cause de l'inceste. Nous sommes dans un monde pourri. Beaucoup de personnes, à travers les loges, franc-maçonnerie, rose-croix, spiritisme et tout le reste, que ce soit des rituels du village, vaudou et autres, le diable demande des saletés pour avoir une promotion ou pour avoir un avantage X et Y. Satan va te dire, tu veux être un grand sportif, un grand joueur de foot, un grand basketteur. Tu couches avec ta sœur et tu auras la gloire, le succès. C'est ce que le marabout te dit. Mais c'est le diable qui parle derrière le marabout. Le marabout est un instrument du diable. C'est Satan qui est derrière lui. Dieu n'utilise pas les marabouts. Tu veux être un grand artiste. Tu as le succès. Tes disques, ta musique est vendue. Tu es connu dans le monde entier. Tu vas voir un marabout. Le marabout va te dire, tu couches avec ta mère ou ta grande sœur. Beaucoup ont connu l'inceste. Le père est dans des loges ésotériques. On lui dit, ta fille, tu couches avec et tu auras une promotion. Ce qui fait que beaucoup de femmes ont connu l'inceste. Beaucoup. Beaucoup. Je pense à cette jeune femme congolaise. On l'amène chez un marabout parce qu'elle souffrait. Elle était encore vierge. Il paraît que c'est un marabout qui est au Congo, un malien. Un vieux malien. Et le malien lui dit, alors qu'ils étaient à deux dans la chambre de consultation, ton problème là ne peut partir que si je rentre dans tes jambes. Et cette congolaise m'a dit, mon frère, je n'ai jamais dit ça à mes parents. Tu es la première personne que je le dis. Il a couché avec moi, je ne l'ai jamais dit à quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, ma soeur, tu as besoin de prière. Il dit, je ne pouvais pas dire ça à mes parents. Ça allait être un scandale. Beaucoup ont connu ce genre de choses. Beaucoup d'inceste dans les familles. C'est le père qui a été ton premier garçon. Je pense à cette Congolaise. Elle est au village. Elle envoie sa fille en France parce que le grand frère est en France. Elle s'est dit, ma fille ira faire l'école là-bas. Monsieur va chercher la petite à Roissy. La petite n'avait que 14 ans. Et c'est cet homme qui va même dévierger sa fille. Moi, j'appelle ça sa fille. À la maison. Elle, aujourd'hui, elle a quel âge? 37, 38 ans. Elle me dit, mon frère, je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la joie dans ma vie. Aujourd'hui, je suis marié, mais je n'ai pas la joie, je n'ai pas la paix. C'est comme s'il y avait une malédiction qui plane sur moi. Mais oui, parce que quand le rapport a eu lieu là, ce n'est pas un rapport pour le plaisir, c'est un rituel. C'est un truc de sorcellerie. Il y a quelque chose qu'on prend en toi. Ce n'est pas un rapport pour le sexe. Donc, je voudrais dire à toute femme qui a connu l'inceste, tu as besoin de délivrance. Dans des loges, le diable dit à ton père, ton oncle qui est dans la franc-maçonnerie, il faut que tu couches avec ta fille pour avoir une promotion, pour avoir un pouvoir beaucoup plus élevé. Il faut passer par là. Ce qui fait que beaucoup de filles, de grands francs-maçons ont connu l'inceste. Beaucoup de filles de parents maçonniques ont connu l'inceste. Une centrafricaine qui habite là à Meaux, en région parisienne, m'a appelé. Mon frère, je veux que tu pries pour moi. Elle est partie en République centrafricaine. C'est la fille aînée. Elle est encore jeune. Elle dit, mon frère, je ne comprends rien. J'arrive là-bas, maman, papa, ils étaient contents. Je reviens de France. Mais papa est dans la franc-maçonnerie, papa est député. Il paraît d'après elle que son père a une petite maison dans un coin où il a l'habitude de se retirer pour être au calme, sans bruit. Et ce jour-là, papa l'appelle là-bas. Elle est partie. Quand elle arrive à la maison est dans la barrière. Au salon, il n'y a personne au salon, il n'y a personne. Elle entend le bruit de l'eau à la douche. Papa, tu es où? Je suis à la douche. Ah, tu es arrivé? Oui, papa. Bon, tu peux venir ici, là. Elle dit, oh, papa m'appelle à la douche. Elle me dit, moi, je pensais qu'elle avait couvert le corps avec une serviette. quand je rentre, papa est nu, je voulais sortir. Il me dit, non, viens me brosser le dos. Je dis, oh, brosser le dos. Elle dit, papa, comment je peux te faire ça? Il me dit, viens me brosser le dos. Mais elle ne voulait pas, le père sort de la douche, venir au salon à poil nu. Il dit, moi et mon père, c'était la bagarre au salon. Il dit, mon frère, j'ai réussi à me détacher et sortir. Je me suis mis à courir, mais lui ne pouvait pas sortir hors de la maison puisqu'il était nu. Il dit, je suis sorti de l'affaire. J'ai fait le tour de tous les oncles. Raconter ça partout, il y a eu du bruit dans la famille, réunion de famille. Il dit, j'ai passé des vacances vraiment d'enfer. Il dit, ce qui fait que moi aujourd'hui, moi et mon père, on ne se dit plus bonjour. Elle a échappé à l'inceste. Son père est dans la loge, dans la franc-maçonnerie. Mais beaucoup ont connu l'inceste. Ma soeur, où que tu sois, il faut que tu saches que dans l'inceste, c'est un rapport sexuel, c'est un rituel, c'est un rapport voulu par le diable. Le diable dit à ton grand frère, si tu veux réussir dans la vie, couche avec ta petite soeur qui vient là et tu auras une promotion. Comme ça, tu vas grandir, tu vas t'élever dans la société. Mais ce que la personne ne sait pas, c'est qu'au moment où le rapport a lieu là, il y a quelque chose que Satan va voler dans la vie de ta soeur. Il y a quelque chose que Satan prend. Satan ne fait rien gratuitement. Et vous avez affaire à des filles. Demain, elle sera mariée ou pas, mais elle n'est pas heureuse. Parce que quelque chose a été volé dans sa vie au moment où le rapport sexuel avait lieu. C'est cette chose-là que Satan prend en échange de ce que toi, le diable, te donne. Beaucoup de... Il y a une fille qui me dit, « Pasteur, je suis même tombée enceinte de mon oncle. J'ai un enfant de 4 ans de mon oncle. » Vous vous rendez compte? L'inceste. Beaucoup ont fait l'inceste. Beaucoup de grands musiciens sont passés par là. Beaucoup de grands sportifs sont passés par là. Parce qu'ils ont été voir des marabouts pour avoir la gloire, pour être élevés. Mais Satan demande des choses sales. Des choses sales. Soit le diable te dit, va coucher avec un cadavre. Un cadavre. Des choses sales. Donc je voudrais te dire, toi qui as connu l'inceste, de chercher la délivrance. Mets-toi à genoux, invoque Jésus-Christ sincèrement pour la délivrance. Parce qu'il n'y a que Jésus qui sait ce qui a été volé et qui peut remettre dans ta vie ce qui avait été volé. Parce que tu es sa créature. Celui qui a créé, qui a fabriqué une voiture, il peut savoir si une pièce de la voiture manque. Parce qu'il connaît, il sait ce qu'il a fait. Et comme tu es la créature de Jésus, quand Jésus te regarde, il peut savoir, il y a quelque chose qui manque ici. Ce qui manque là, c'est ce que le voleur avait pris pendant le rapport sexuel. Et c'est Jésus qui peut remettre ça. Parce que tu es l'œuvre de ses mains. C'est lui qui t'a créé. C'est pourquoi il faut aller à lui. Et lui dit, Seigneur, confessez ce péché et demandez à Jésus de te remettre comme tu étais avant. Donc, bien aimé, je tenais à le dire. Ma soeur, toi que la blanche court derrière, parce qu'elle était accro à toi, tu dis, Niette, si tu dois quitter la maison, quitte la maison. Parce que tu m'as dit quel est mon point de vue. Je te donne mon point de vue. Toi là, qui as des problèmes d'hémorroïdes, tu dis, oh, j'ai pas envie de perdre mon mari, pasteur, soutiens-moi dans la prière. Ma soeur, si cet homme décide de partir parce que tu veux plus donner le derrière, laisse-le partir. Tu n'es pas obligé de retourner dans des conneries. Ne perds pas ton âme pour un homme. Parce que Jésus a dit, celui qui va aimer son mari plus que moi ne peut pas me suivre. Parce que là, le diable est en train de jouer avec lui pour que tu abandonnes Jésus. Attention au sexe. Ne faites pas n'importe quoi. Si tu as connu l'inceste, dis-le pour qu'on prie pour toi. C'est ce que je tenais à te dire. Que Dieu vous bénisse.